Listen to this precious people. Écoutez ceci, précieux peuple. On November 14th, le 14 novembre the year 2010, de l'année 2010, the Lord spoke with me, le Seigneur a parlé avec moi in a tremendous way, d'une manière très très grande. And in that conversation, et dans cette conversation, the Lord, he wrote on a piece of paper, le Seigneur a écrit sur une pièce de papier and he threw it in that vision, et il l'a jeté dans cette vision very close to my eyes, très près de mes yeux. And when he drew it very close to my eyes, et quand il l'a mise très près de mes yeux, I began to read that paper, j'ai commencé à lire ce papier in that vision, dans cette vision. And what I read, est-ce que j'ai lu, this is what it said, c'est ce qu'il disait. It said, ça disait, Melchizedek's day, le jour de Melchizedek, is known as the day of light, est connu en tant que jour de lumière. Blessed is the nation, bénie soit la nation, to which the Lord speaks, à qui le Seigneur parle, that she may walk in step, pour qu'elle puisse marcher, with the requirements of the Holy Spirit, avec les exigences du Saint-Esprit. Precious people, précieux peuple, today I want to look at, aujourd'hui, j'aimerais voir the light, la lumière. When the Lord said, quand le Seigneur a dit that Melchizedek's day, que le jour de Melchizedek is known as the day of light, est connu comme le jour de la lumière. What is the message to the church? Quel est le message pour l'Église? I want to look at the light. J'aimerais regarder à la lumière. What is this light? Quelle est cette lumière? That the Lord spoke about in that vision. À propos de laquelle le Seigneur parle dans cette vision. When he said, quand il a dit, Melchizedek's day, le jour de Melchizedek, is known as the day of light, est connu en tant que jour de lumière. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. I want to read one scripture. Je désire lire un texte. In the Bible. Dans la Bible. The book of Exodus. Le livre de l'Exode. 13. 13. Verse 21. Le verset 21. Exodus 13. Exode 13. Verse 21. Verset 21. That's where we begin today. C'est là où nous commençons aujourd'hui. And he says. Et il dit. Exodus 13, 21. Exode 13, 21. By day, ce jour, the Lord went ahead of them, le Seigneur alla devant eux, in a pillar of cloud, dans une colonne de nuée, to guide them on their way, pour les guider dans leur chemin, and by night, et la nuit, in a pillar of fire, une colonne de feu, to give them light, pour les éclairer, so that they could travel by day or night, afin qu'ils marchent jour et nuit. I want to begin from there. Je vais commencer par là. When the nation of Israel, quand la nation d'Israël, was moving from the darkness of Egypt, se déplaçait des ténèbres de l'Égypte, out of slavery, hors de l'esclavage, and the Lord was leading them to the promise, et le Seigneur les guidait à la promesse, the promised land, le pays promis, the Lord, he knew that they had never been this way before. Le Seigneur savait qu'ils n'avaient jamais été dans ce chemin auparavant. And so there was need. Alors, ils avaient besoin for the Lord to guide them. Que le Seigneur les guide. In this way. Dans ce chemin. That they could reach. Pour qu'ils puissent arriver. If you read other scriptures, si vous lisez d'autres textes, you see that in the pillar of the cloud, vous voyez que dans la colonne de nuée, was the voice of God. Était la voix de Dieu. God spoke to Moses, Dieu a parlé à Moïse, from the pillar of the cloud, de la colonne de nuée. And so you see, et alors vous voyez, that the cloud was the light he lit, que la nuée était la lumière qui les éclairait, that they may be led, pour qu'ils puissent être conduits le jour, and guided, et guidés, into the promised land, dans le pays promis. And now, et maintenant, the Lord says, le Seigneur dit, that Melchizedek's day, que le jour de Melchisédek is known as the day of light. Est connu en tant que jour de lumière. Listen, precious people. Écoutez, peuple précieux. We as the church. Nous, en tant qu'église, we know it too well. Nous le savons trop bien. That the light of God. Que la lumière de Dieu. That is sent to us. Qu'il nous a envoyé. Is our Lord Jesus. C'est notre Seigneur Jésus. So I begin to understand. Alors je commence à comprendre. That the day of rapture. Que le jour de l'enlèvement. Is the day of light. Est le jour de lumière. Is the day of Melchizedek. C'est le jour de Melchizedek. That on that day. Que en ce jour. May you be found. Puissiez-vous être trouvés. That you are walking in light. En train de marcher dans la lumière. Now in these dark days, maintenant, en ces jours sombres, if you look at the nations, si vous regardez aux nations that the Lord sent me to, dans lesquelles le Seigneur m'a envoyé, there is darkness in the land. Il y a des ténèbres dans le pays. Homosexuality, de l'homosexualité, prostitution, de la prostitution, prosperity without holiness, de la prospérité sans la sainteté, corruption, de la corruption, abortion, de l'avortement, murder, des meurtres, falsehood, de la fausseté, deception, de la tromperie, dissension, des dissensions, name it, nommez-les, there is darkness, il y a des ténèbres. And that's why, et c'est pourquoi, the Lord asked, le Seigneur a demandé, in that conversation, dans cette conversation, that are you aware, êtes-vous au courant, are you on the know, est-ce que vous savez, are you in the know, est-ce que vous savez, that Melchizedek's day is the day of light, que le jour de Melchizedek est le jour de lumière. In other words, dans d'autres mots, it is a rebuke also. C'est aussi une réprimande. But listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. Our Lord Jesus. Notre Seigneur Jésus. He brought the light. A apporté la lumière. In John chapter 1. Dans Jean chapitre 1. And that light is the life of God in Jesus. Et cette lumière est la vie de Dieu en Jésus. That is the salvation in the church. Ça c'est le salut dans l'église. Are you walking in light? Est-ce que vous marchez dans la lumière? Are you walking in the light of God? Est-ce que vous marchez à la lumière de Dieu? Just like the cloud led them. Juste comme la nuée les conduisait. So will the light of Christ today. Ainsi, la lumière de Christ va nous conduire aujourd'hui. Light the church of God. Guide l'église de Dieu. And show them which way to go. Et leur montre quel chemin prendre. Because you have never been this way before. Parce que vous n'avez jamais marché de cette manière autrefois, avant. Religion, religion is also in the land. Est aussi dans le pays. And has brought a lot of obscurity, darkness. Et apporte beaucoup d'obscurité, de ténèbres. In the church. Dans l'église. You go to churches, some of you. Vous allez à l'église, quelques-uns d'entre vous. Where nobody is preparing you for the coming of the Lord. Où personne ne vous prépare pour la venue du Seigneur. How then? Comment ensuite? Will you know the requirements of the Lord? Connaîtrez-vous les exigences du Seigneur? Precious people. Précieux peuple. There is darkness in the church. Il y a des ténèbres dans l'église. And that's why. C'est pourquoi. The Lord says. Le Seigneur dit. Melchizedek's day. Le jour de Melchizedek. Is known as the day of light. Est connu comme le jour de la lumière. The Lord Jesus. Le Seigneur Jésus. He lit up your hearts. Il éclaire vos cœurs. With salvation. Avec le salut. Salvation is the lamp. Le salut est la lampe. That is glowing from you into the dark world. Qui brille de vous dans le monde de ténèbres. And so. Et alors. You ought to walk with light. Vous devez marcher avec la lumière. Very simple message. Un message très simple. The message of the light. Le message de la lumière. The message of repentance. Le message de la repentance. Read with me Jeremiah. Lisez avec moi Jérémie. The book of Jeremiah. Le livre de Jérémie. Chapter 23. Chapitre 23. Verses 5 and 6. Les versets 5 et 6. Jeremiah 23. Jérémie 23. 5 and 6. 5 et 6. He says, the days are coming. Il dit, les jours viennent. Declares the Lord. Déclare le Seigneur. When I raise up David. Où je susciterai à David. A righteous branch. Une branche juste. A king who will reign wisely. Il règnera en roi. And do what is just. Il pratiquera la justice. And right in the land. Et l'équité dans le pays. In his days, Judah. En son temps, Judas. Will be saved. Sera sauvé. And Israel. Et Israël. Will live in safety. Aura la sécurité dans sa demeure. This is the name. Voici le nom. By which we will be called. Dont on l'appellera. The Lord, our righteousness. Le Seigneur, notre justice. Alléluia. Alléluia. The Lord, our righteousness. Le Seigneur, notre justice. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. When Melchizedek appeared, quand Melchizedek est apparu, in the book of Genesis 14, dans le livre de Genèse 14, when Melchizedek appeared to Abraham, quand Melchizedek est apparu à Abraham, he met him. Il l'a rencontré and blessed him. Et l'a béni. And when he blessed him, et quand il l'a béni, we have since seen, nous avons vu depuis, out of this revelation of Melchizedek, en dehors de cette révélation de Melchizedek, that was the opening of the veil, que c'est l'ouverture du voile, the veil of the secrecy of God, le voile du secret de Dieu. That was hidden from man. Qui était caché pour l'homme. About the redemption plan of God for man. À propos du plan de rédemption de Dieu pour les hommes. And we have seen. Et nous avons vu. That Melchizedek visitation. Que cette visitation de Melchizedek. Essentially opened door. Essentiellement ouvert la porte. To the speaking of the promise to Abraham. Pour dire la promesse à Abraham. And we have seen. Et nous avons vu. That promise. Que cette promesse. Contrary to what is being said. Contrarie ce qui a été dit. They talk of big land. Ils parlent de grands pays. Big homes. De grandes maisons. Big property. De grandes propriétés. But let me tell you what that promise is. Mais laissez-moi vous dire ce que c'est cette promesse. It is the gift that he would be given Isaac. C'est le don qu'il va donner Isaac. That Isaac would come from him. Qu'Isaac va venir de lui. And that the Messiah. Et que le Messie. Would come to redeem man. Va venir pour racheter les hommes. Through the lineage of Abraham. De la lignée d'Abraham. And we see the cascade. Et vous voyez la cascade. After Melchizedek's visitation, après la visitation de Melchizedek, we see the cascade. Vous voyez la cascade. The visit of the three, la visite des trois, from on high, d'en haut, that sat by the tent, qui ont été envoyés de la tente, and we see finally when Isaac is bathed out. Et nous voyons finalement quand Isaac est né. And we see that the Lord was speaking to the church. Et vous voyez que le Seigneur était en train de parler à l'église. That redemption is coming. Que la rédemption vient. I said, j'ai dit, out of the shortage of the Levitical priesthood. Du manque de la prêtrise des Lévitiques. Out of the shortcoming of the Aaronic priesthood. De l'insuffisance de la prêtrise d'Aaron. He raised forth this order of Melchizedek. Il a élevé cet ordre de Melchizedek. You see that our Lord Jesus. Vous voyez que notre Seigneur Jésus. Appeared from the tribe of Judah. Est apparu de la tribu de Judas. Out of which Moses spoke nothing about priests. De laquelle Moïse ne parle rien à propos de prêtres. Now we see. Maintenant nous voyons. In Jeremiah. Dans Jérémie. When he spoke the promise. Quand il a parlé à propos de la promesse. At the end of it he says. À la fin de cela il a dit. And he shall be called. Et il sera appelé. My Lord is righteousness. Mon Seigneur est la justice. My Lord is righteous. Mon Seigneur est juste. Precious people. Précieux peuple. The day of Melchizedek. Le jour de Melchizedek. Is near. Est proche. It is the day of rapture. C'est le jour de l'enlèvement. Walk in light. Marchez dans la lumière. Your king is righteous. Votre roi est juste. Walk in righteousness. Marchez dans la justice. Your king is holy. Votre roi est saint. Marchez dans la sainteté. Without holiness. Sans la sainteté, all this will be nothing. Tout cela ne sera rien. And he shall be called. Et il sera appelé. The Lord is righteous. Le Seigneur est juste. The Bible says, la Bible dit, you are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. That they may come out of the darkness. Le jour peut sortir des ténèbres. And surrender unto the light. Et se livrer à la lumière. But if that light. Mais si cette lumière. Radiating from your hearts. Émanant de vos cœurs. The Bible also says. La Bible dit aussi. That the darkness is coming. Que les ténèbres viennent. Let us do the exploits of God today. Faisons les œuvres de Dieu aujourd'hui. The exploits of God today, les exploits de Dieu aujourd'hui, while there is still light, pendant qu'il y a encore de la lumière, before the darkness comes, avant que les ténèbres viennent, because time is coming, parce que le temps vient, when you cannot do the exploits of God today, où vous ne pourrez plus faire les œuvres de Dieu aujourd'hui. I have seen the world after the rapture, j'ai vu le monde après l'enlèvement. And there was darkness over the earth. Et il y avait des ténèbres sur la terre. And I said, et j'ai dit, you are the vessel of the light. Vous êtes les récipients de la lumière. The vessels of the Holy Spirit. Les récipients du Saint-Esprit. And as vessels of the Holy Spirit, et en tant que récipients du Saint-Esprit, when you are taken away, quand vous êtes pris ailleurs, darkness will befall the earth. Les ténèbres vont remplir la terre. Precious people. Précieux peuple. Melchizedek's day. Le jour de Melchizedek. Is the day of light. Est le jour de la lumière. Make sure you are the children of the light. Soyez sûrs d'être les enfants de lumière. If you are the children of the light, si vous êtes les enfants de lumière, you have to bear the fruit of the light. Vous avez à porter les fruits de la lumière. Away from immorality. Loin de l'immoralité. Some of you are still in sexual immorality. Quelques-uns d'entre vous sont encore dans l'immoralité sexuelle. And I'm here to tell you. Et je suis ici pour vous dire. That with sexual sin. Que avec des péchés sexuels. You will not see the kingdom of God. Vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Sexual lust. Des convoitises sexuelles. You are still in the flesh. Vous êtes encore dans la chair. How will you enter? Comment est-ce que vous entrerez? Some of the churches still preach money. Quelques églises prêchent encore l'argent. Some of the pastors still run with women. Il y a quelques pasteurs qui courent encore avec des femmes. How can you promise them freedom? Comment pouvez-vous leur promettre la liberté? When you yourself, quand vous-même, you are still in darkness. Vous êtes encore dans les ténèbres. Precious people. Précieux peuple. Remember that the light of God. Souvenez-vous que la lumière de Dieu. Is the Holy Spirit of the Lord. C'est le Saint-Esprit du Seigneur. He is the one that lights up the lamp of your salvation. Il est celui qui éclaire la lampe de votre salut. So this is the dispensation. Alors, c'est la dispensation. Of the Holy Ghost revival. Du réveil du Saint-Esprit. And when the Holy Ghost comes. Et quand le Saint-Esprit vient. You kill your flesh. Il va tuer votre chair. That you may be righteous. Pour que vous puissiez être juste. Because the Lord, parce que le Seigneur, your King, votre roi, is righteous. Est juste. I have seen the coming of the Messiah, j'ai vu la venue du Messie, and the church I see him taking, et l'Église, je l'ai vu la prendre. It's a holy church. C'est une Église sainte, a glorious church. Une Église glorieuse, a church without sexual lust. Une Église sans convoitise sexuelle, a church without falsehood. Une Église sans fausseté. How can you still walk in falsehood? Comment pouvez-vous marcher encore dans la fausseté? Some of you are still struggling with sexual lust. Certains d'entre vous sont encore en train de lutter avec de la convoitise sexuelle. How then? Comment Alors, can you be children of God? Pouvez-vous être enfants de Dieu? Children of the kingdom. Enfants du royaume. If you are still struggling with simple basic things like sexual sin. Si vous êtes encore en train de lutter avec des choses aussi simples que le péché sexuel. Precious people. Précieux peuple. Let us walk this highway. Marchons dans ce haut chemin. Of holiness. De la sainteté. He is the light. Il est la lumière. Of the world. Du monde. And when you walk in this way. Et quand vous marchez dans ce chemin. You must. Vous devez. Be the light. Être la lumière. Of the world. Du monde. There is no other way. Il n'y a pas d'autre chemin. Except to return to him. Sauf de retourner à lui. One day. Un jour. You will cry, some of you. Vous allez pleurer, certains d'entre vous. When the rapture will have taken place. Quand l'enlèvement aura eu lieu. Oh, I used to be a pastor. Oh, j'étais pasteur. Now I remain. Maintenant, je suis resté. That's the day you will realize I've been walking alone. C'est le jour où vous allez réaliser que je marchais seul. Without you people. Sans vous, peuple. I know that I bless you. Je sais que je vous bénis. I know that he gave me authority to bless you. Je sais qu'il m'a donné l'autorité pour vous bénir. But the standard of the Lord remains the same. Mais le standard du Seigneur demeure le même. This light. Cette lumière. The cloud of the Holy Spirit. La nuée du Saint-Esprit. Let him lead us. Laissons-le nous guider. Because we have never been this way before. Parce que nous n'avons jamais été dans ce chemin avant. Nobody has been to the land of the rapture. Personne n'a été dans le pays de l'enlèvement. So let him lead us. Alors laissons-le nous guider. Submit yourselves. Soumettez-vous vous-même. To the Holy Spirit of the Lord. Au Saint-Esprit du Seigneur. You are struggling with flesh. Vous luttez avec la chair. When the Holy Spirit overtakes you, quand le Saint-Esprit vous domine, nothing will matter to you. Plus rien n'aura de l'importance pour vous. You will not care. Ça vous sera égal. But you care for the Lord. Mais vous allez aimer le Seigneur. You will not care what they say. Ça n'aura pas d'importance ce qu'ils disent. You will fight the flesh. Vous allez lutter contre la chair. Righteousness. La justice is the everlasting benchmark of heaven. C'est l'éternel repère pour les cieux. You cannot enter. Vous ne pouvez pas entrer. So, remember, alors, souvenez-vous, Melchizedek's day, le jour de Melchizedek is the day of light. Est le jour de la lumière. Remember, souvenez-vous, Melchizedek's day, le jour de Melchizedek is the day of light. Est le jour de la lumière. And remember, et souvenez-vous that the Lord says, que le Seigneur dit that on that day, qu'en ce jour some people will knock. Quelques personnes vont heurter. Lord, open for me. Seigneur, ouvre-moi. I used to preach in your name. J'ai prêché en ton nom. And the Lord will say, et le Seigneur dira to tell you the truth, pour vous dire la vérité, I do not know you. Je ne vous connais pas. Melchizedek's day. Le jour de Melchizedek is the day of light. Et le jour de la lumière.